toute une nouvelle dans le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, Gilles Courteau, a mentionné que l'avenir des Saguenayens passait par un nouvel amphithéâtre au lieu de projet de rénovation. On va savoir qu'est-ce qu'en pensent les Saguenayens de Chicoutimi de la déclaration de Gilles Courteau. On va parler avec le président des Sags, Richard Letourneau. Bon après-midi, Richard. Bon après-midi, Denis. Ça va bien? Ça va bien. Richard, vous faites parler de vous autres pas mal par la bande. C'est par la bande, effectivement. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu ça? Dans un premier temps, j'ai été très surpris de la déclaration de M. Courteau ce matin parce que je m'en attendais pas du tout. Remarquez que M. Courteau a le droit à son opinion. Puis sauf que, effectivement, quand j'en ai entendu parler ce matin, là, j'ai été aussi surpris que tous les gens là qui en ont pris connaissance ce matin. OK. Mais comment vous accueillez ça? C'est sûr que... Comment vous voyez ça? C'est sûr que c'est pas une menace. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que peut-être que les Saguenayens de Chicoutimi, c'est les nouvelles normes, en fait, les nouvelles normes et ainsi de suite, la nouvelle façon de faire de la Ligue de hockey junior du Québec avec un peu comme à Shawinigan. Comment vous accueillez les déclarations? À part que d'être surpris, est-ce que vous êtes... Vous allez vous plier à ce que le projet de la ville ou ainsi de suite? Je pense que, un, le commissaire a le droit à son opinion, ça c'est correct. Maintenant, nous, ici, au niveau de la municipalité, on a quand même des réalités. Puis la première réalité, c'est qu'effectivement, on a un aréna qui va fêter ses 70 ans en 2019. Puis présentement, il y a un problème de structure et d'infrastructure au niveau de l'aréna. Du Saint-Georges. C'est-à-dire que, hein, comme tout le monde le sait, on a un problème avec la toiture. Mm. Puis maintenant, à intervalles réguliers aussi, on vient aussi avoir un problème d'égout durant certains matchs. Donc, c'est sûr qu'en partant, je pense que oui, c'est vrai qu'il faut faire de quoi avec le Saint-Georges Fizina. Ça, je pense que ça, c'est inéluctable, c'est important. On peut pas passer à côté. Maintenant, si vous me posez la question à savoir est-ce que l'organisation des Saguenayens préfère une rénovation ou un aréna neuf, moi, je vais vous répondre que à Saguenay, présentement, on est dû pour avoir une bonne discussion puis un débat de fond à savoir c'est quoi qui est préférable pour la municipalité puis pour l'avenir. Est-ce que c'est une rénovation ou une construction. Là, il y a un paquet de chiffres qui circule. Ça joue entre 35 millions qui s'est payé à Shawinigan, 105 millions le projet de 105 millions à Gatineau. On compare des pommes avec des bananes. Donc, c'est important qu'il y ait une étude sérieuse qui soit faite et qu'il y ait une discussion. Et une fois que la discussion aura eu lieu, puis qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à ça, l'organisation des Saguenayens, on va vivre avec ça. OK, OK. L'histoire de la glace olympique, est-ce que du côté des Saguenayens, c'est sûr que vous êtes peut-être mal placé pour parler, vous voulez pas vous mettre à dos les gens du patinage de vitesse sur courte-piste, mais la glace olympique, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui désavantage les Saguenayens? Est-ce que dans le fond, là, vous aimeriez bien mieux vous en passer? Puis ce serait possible d'avoir une deuxième glace pour le patinage de vitesse à côté? C'est sûr, Danny, que de la façon que tu me poses la question, c'est sûr que, écoute, présentement, on est la seule organisation junior majeure au pays qui a une glace olympique. C'est sûr que si tu me dis, je te donne l'opportunité d'avoir une glace réglementaire tout en satisfaisant le patinage de vitesse qui vont avoir leur propre glace, je vais te dire, c'est sûr que c'est ça qui est l'idéal. Parce qu'effectivement, on comme je dis, on est la seule. Tu sais, c'est pas. Il s'agit de connaître un petit peu le hockey puis d'aller voir des matchs de hockey junior dans une autre arena. Ouais. Pour se rendre compte que c'est pas le même genre de hockey, c'est pas la même intensité, c'est pas du tout la même affaire. Mm. Okay. Bon, mais maintenant, moi présentement, on a cette glace-là puis on vit avec. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais par la suite, on va voir ce qui va arriver. Mais ça doit être compliqué pour le recrutement. Ça doit être compliqué également. Je pense que Frédéric Tremblay de Radio-Canada avait fait une étude il y a quelques années, puis je pense que c'était pas avantageux trop. Là. Preuve à l'appui qu'une glace à la main, une glace olympique, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour les Saguenayens. Tu sais, pour le recrutement, ça complique les choses. Là. Ouais, ça complique un petit peu pour tout. Comme je dis, faut pas oublier qu'on est la seule équipe junior. Donc, effectivement, il faut vivre avec ça. Mais c'est sûr que si on avait un choix à faire, c'est sûr que pour la question, c'est du répondre. Maintenant, présentement, on a une glace olympique, on vit avec la glace olympique. Okay. C'est sûr qu'une journée, on peut pas... on est avec ça. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une discussion de fond pour essayer de satisfaire tout le monde là-dedans. OK. Est-ce que vous avez rencontré la nouvelle mairesse, José Néron? C'est sûr que ça appartient à la ville, c'est sûr qu'il y a un contrat quand même. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer José Néron pour parler des Saguenay depuis son élection? Non, moi, Mme Néron, on lui a écrit pour la féliciter pour ses élections. Après ça, on lui a dit que quand elle aurait certaines disponibilités, qu'elle voulait en apprendre un peu plus sur les Saguenayens, ça va nous faire plaisir de la rencontrer. Mais que présentement, on comprend très très bien qu'elle a d'autres chats à fouetter. Puis, écoutez, elle a quand même un budget à présenter pour le 20 décembre. On voit un petit peu tout ce qui se passe présentement dans les journaux. Mais quand je comprends très très bien là, que je n'ai pas eu de nouvelles de Mme Néron. Je suis surtout pas inquiète que quand ça va être le temps, Mme Néron elle va me faire signe, puis on va la rencontrer, puis moi, je suis bien à l'aise avec ça. OK. Donc, du côté des Saguenay, on n'est pas fâché, on n'est pas déçu, mais on est un peu surpris, mettons, puis de ce projet-là, de la sortie de Gilles Courteau. Parce que je me demandais, je me suis dit, est-ce que c'est par en arrière, les Saguenay, ont-tu quelque chose par en arrière? Quand ça vient du commissaire, c'est peut-être plus incisif que le président ou l'organisation. Mais donc, si t'es surpris, tu savais pas du tout, puis c'était pas stagé du tout, là. Non, c'est sûrement pas quelque chose qui était organisé par en arrière, ça c'est sûr. Okay. Et c'est sûr que quand le commissaire parle, c'est quand même important. Vous savez que M. Courteau, dans le hockey junior au pays, là, est quand même un des principaux porte-parole. C'est bien sûr que nous autres, on a la vision des Saguenayens juniors. Lui, il a la vision de l'ensemble de la ligue. Sauf que quand un journaliste lui parle, il a le droit de dire ce qu'il pense. Maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui, ça vient strictement de lui, c'est ça que je veux dire. OK. Richard, je veux pas te laisser si ça te parle un peu du lac Saint-Jean. Tu sais, j'emmène toujours une petite touche locale à mon entrevue. Fait que la semaine passée, Marc Denis a pratiquement confirmé qu'il y aurait un match par année, que les Saguenay vont faire ça, vont sortir une fois par année, même si c'est exigeant, ils ont dit que ça en valait la peine. Tu n'étais pas là aux deux matchs, mais ce que tu entends parler, c'est extrêmement positif. Hein? Oui, c'est positif. Et oui, c'est dans la lignée. Puis, écoute, tu t'en rappelles, c'est moi. Dani, dans les premiers mois, en 2015, quand on a pris le club en pleine saison, la première entrevue que tu m'avais faite, tu m'avais dit que c'est important que les Saguenayens reviennent avec le lac, que le lac se sentait un petit peu délaissé par les Saguenayens. Je t'avais dit qu'effectivement qu'on ferait des efforts à ce niveau-là. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Regarde, tu parles effectivement qu'il y a un match hors concours. Faut parler aussi là de le genre de caravane qu'on a fait aussi en octobre où effectivement. On est allé visiter Saint-Félicien, Robertval, Dolbeau, avec les joueurs. On est allé passer à chaque endroit une heure sur la patinoire avec les jeunes. Je pense que c'est ça les Saguenay. Puis ça nous a fait plaisir de le faire. Puis oui, le lac Saint-Jean est important pour nous, là. OK. Puis à quelque part, ça doit paraître au guichet un petit peu, tu sais, parce que moi, ce que j'entends parler, c'est qu'il y avait l'été passé, l'automne passé, plutôt le printemps passé, il y avait beaucoup de monde du lac Saint-Jean qui était au match des Saguenay, que ça se vient de Saint-Félicien, de Robertval, de Beaubussigny. Donc, à quelque part, oui, vous faites des efforts, mais à quelque part, on vous remet aussi, là, on vous en donne aussi. Ah, ça, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, effectivement. Moi, j'ai tout le temps dit, quand les gens me disent, ah, M. Letourneau, est-ce que vous allez revenir un jour avoir des assistances moyennes plus élevées, patati patata, ce que je dis là-dessus, moi, je suis pas inquiète. Mais il faut recommencer par semer à tous les jours. Puis ce que l'on fait présentement, c'est ça. C'est qu'on revient à la base, on recontacte les jeunes, on essaye de faire d'être partie prenante des activités régionales, puis c'est comme ça que les Saguenayens vont refaire leur bain, le plein de partisans, puis vont refaire la base de ces partisans. Puis oui, effectivement, ça va ramener des gens du Lac-Saint-Jean chez nous, puis on est conscient de ça, puis c'est important. Tu sais, quand on parle fier d'être sag ou la fierté d'une région ou tout ce genre de choses-là, ben c'est le cas. Puis je pense qu'avant de dire aux gens venez nous voir, ben c'est à nous autres à faire nos preuves, c'est à montrer que tout le monde est important pour nous. Ben effectivement, c'est un très très bon point. Richard Letourneau, gros merci. On s'en reparle certainement parce que j'ai l'impression que ce n'est que le début d'un débat parce que j'ai l'impression que là, avec la sortie de. Il y avait eu Marc Saint-Hilaire qui avait fait une sortie il y a quelques mois. Phil Desgagné aussi. Gilles Coteau qui sort et je pense que c'est c'est quelque chose qu'on va entendre parler dans les prochains mois, c'est sûr et certain. Parfait. Je vous remercie infiniment, cher ami. Le président des Saguenay de Chicoutimi, Richard